2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Prune 92 FM. Ouh, boum boum, musique française curieuse tous les quatrièmes mercredis du mois. Jonas, tu m'as tellement manqué le mois dernier. Mais toi aussi. C'était l'enfer, mais t'étais où? La Dolce Vita. Ah ouais, tu l'otispaye des petites vacances à Naples, tranquille, pendant que moi je suis en train de galérer à faire l'interview et la réalisation. Voilà. Tu sais que je déteste ça. Mais je sais, mais c'était très bien fait, donc voilà. Bon, on a fait une petite mise au point, et malgré ça, tu vas me refaire le coup le mois prochain, je crois que t'es encore absent. Ça va pas du tout. C'est mon anniversaire, mon prochain. Je sais pas pourquoi je suis absent. Je vais regarder ça. Toujours de bonnes excuses. Bon, ouais, je devrais réussir à me débrouiller. Ambiance Planète Rap ce soir dans Boum Bomo, puisqu'on a un paquet d'invités. En fait, on les a invités à deux, ils sont venus à 18. On a mal éclairci les choses, je pense. Coucou la Walou et tous les copains de la Walou, comment ça va? Bonsoir Vincent, ça va et toi? Ouais, moi ça va plutôt pas mal. Ça fait trop plaisir de vous recevoir. On en parle depuis combien de temps de cette émission? Je pense que ça fait 2 ans que l'invitation est lancée. Depuis qu'on est arrivé à Nantes quasiment, ouais. Et ça y est, enfin, on a réussi. Alors moi, premier truc à éclaircir avec vous, la Walou, je suis hyper déçu. Je pensais vraiment que vous étiez né d'un casting. Je pensais que la Walou c'était un truc de mannequin, genre école de mannequinat et tout. Pas du tout. Vous vous êtes rencontrés vraiment quand vous étiez enfant à La Roche-sur-Yon. Effectivement, oui. Vincent, on est né en 90. On a dû se rencontrer en 93. Ça fait maintenant 30 ans qu'on se supporte l'un et l'autre. Aïe, aïe, aïe. Mais tout va bien, tout va bien. La Walou, j'ai l'impression que les Lillois vous connaissent mieux que les Nantais. Vous avez habité à Lille tous les deux et il y avait des petites teufs à l'époque. Effectivement. C'est là qu'on a démarré nos soirées au fameux Ilo Bar. Et c'était le feu. Ils connaissent. Ça a bien pris, c'était quand même globalement un bon bordel tous les mois. C'est un bar que j'ai géré moi du coup pendant 4 ans. Et ben, rapidement, on a eu envie de développer des soirées dans ce bar-là, qui était bien fait pour ça. Et du coup, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Les Walou ont commencé en 2016 jusqu'à mon départ en 2000, enfin, au moment du Covid. Et la trentaine, les amis qui sont là à Nantes nous ont fait bouger vers eux. Et du coup, voilà, retour à Nantes depuis 2 ans. Ouais. Et du coup, on est hyper jaloux à Nantes parce qu'on n'a pas eu les teufs là à Walou. Alors très peu, on vous aperçoit de temps en temps à Safe Place, c'est un sacré bordel en général, ou à Bras de Fer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de nouvelles résidences là à Walou dans le coin. Peut-être pour bientôt, il y a des dates qui arrivent en tout cas là à Walou. Ouais, on espère. Prochainement à la Safe Place, au Zazou le 24 mars pour sûr. En avril, on retourne à Bras de Fer parce que c'est les copains, parce que c'est toujours un bon délire là-bas. Donc voilà. On est sur des mix groovy, des mix éclectiques, full vinyle. C'est ça. Plutôt sur des longues durées. On aime bien démarrer fin d'après-midi, commencer un peu à installer l'ambiance et puis tenir jusqu'au plus tard dans la nuit. Bon, là, alors, c'est pas trop la fin d'après-midi, il est plutôt 21h09, mais vous nous avez quand même ramené quelques trucs, musique française et francophone uniquement. Exact. On respecte le thème, Vincent, tout en vinyle ce soir, qu'est-ce qu'on va écouter, grosso modo? Vous avez une sélection déjà bien précise. Ouais, des bizarreries chinées en vide-grenier et brocante. Yeah. Et puis après, des choses qui font partie de notre collection depuis, on va dire, quelques années, autour du jazz, du funk, mais en respectant ton thème, évidemment, les musiques françaises curieuses. Le premier morceau que Jonas va envoyer, il est déjà calé, c'est quoi? Oui, Marcel Engel, c'est un artiste français qui fait des trucs un peu barrés. Il avait notamment son frère qui avait fait des trucs un peu de studio, et lui a sorti cette unique 45 tours assez chelou qui s'appelle La Fête des Têtes. Trop cool, on retrouvera évidemment la playlist avec le podcast dans quelques heures ou dans quelques jours sur le site de Prune. La Walou est dans Boum Bomo. Si vous voulez reprendre le micro d'ici à 22h, 22h05, on va déborder un peu comme on a commencé en retard, vous pouvez évidemment le reprendre. Sinon, on vous dira merci, au revoir en deuxième heure avec une sélection de Maître Selecto. Boum Bomo, c'est en format mensuel maintenant, il y a 2 heures, et on aura un mix de Maître Selecto en deuxième heure autour des musiques de lutte de Bretagne et d'ailleurs. Ça va être bien chambé. Mais d'abord, la Walou dans Boum Bomo, ça y est, ça fait 2 ans qu'on n'a pas laissé pour ce soir. On l'écoute ce premier track, Jonas. Let's go, bonne écoute, à tout à l'heure. Arrêtez vos promesses, ordonnez à tous. attaquez-vous au plus grand. Remember. douce, j'ai pas trois sous de sexe à pile. J'tabalaba, j'tabalaba, j'tabalaba, j'tabalaba, à l'heure où ça ne l'est matine, imbibé de bière et de gin, il rentre sur sa machine. Moi qui suis du genre mandoline, à mon grand frisson nuit de Chine, j'pourrais pas dire pourquoi il me fascine comme une boule de flipper. Il joue avec mon cœur, j'tabalaba, j'tabalaba, mon cœur. Je passe selon son humeur, de l'indifférence à la douceur, comme une boule, comme une boule, comme une boule, comme une boule, comme une boule. Comme une boule de flipper, comme une boule de flipper, comme une boule de flipper. J'irai les chercher. Si vous n'écoutez pas, je crierai. Je vais chanter la bossa nova. sais qu'un jour ça viendra, tous les millions pour les grands voyages. Thank you. les emmerde à la mort. Et sois cool Raoul, pour que la musique te saoule en chantant Easy Life. Easy Life. Easy Life. Easy Life. Souci de fric et ton patron qui t'ennuie. Je suis perdue, j'essaie de trouver un gentil.

derrière tu t'actes sincère. Choler les noix de coco, fais les jouets, le flamenco, cassagnette l'hiver. J'ai tout fait, le Roméo, les toreros, le taureau, Chita, les Westmuller. Comme un commando, en plus qui garde un divi d'or du Cerbère. Car ma soutra, j'ai que de la camasson sous les draps, toi. Ma poupée gonflable, elle m'a trahi pour un dirigeant. En bas sur le parking, glacé sur le toit de ta limousine, j'espère. En soi dans le living, douillet, lumière, dans ton déshabillé enfer. Comme un commando, en plus qui garde un duvet d'or du Cerbère. Les flics sur le dos, tombé à pic, pas ordinaire, moi par terre. Car ma soutra, j'ai que de la quima sans sous. Sous les draps, toi. Ma poupée gonflable, elle m'a trahi pour un dit. Maman, on va cueillir des pâquerettes. très français, en fin de compte. Merci. Boum Bomo, c'était la Walou dans Boum Bomo. Ouais, on peut applaudir. Bien joué. Avec le petit jingle à la Jonas qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Depuis la saison dernière, exactement. Voilà, magnifique. Il vient faire une Boum Bomo tous les 3 mois. Le reste du temps, il me laisse me démerder. L'abus, j'en ai manqué une cette année. Ouais, bon, bref, on en reparle hors antenne. C'était trop cool ce mix. Waouh, waouh, waouh. Attendez, c'était quoi cette version de Yves Simon au Pays des Merveilles de Juliette? Mais reprise par lui-même, 85. Trop cool. Bonne tuerie, j'avoue, assez improbable qu'on la découvre. Chambé. Bonne relecture. Et le morceau d'avant, alors toute la sélection était trop cool, mais les deux derniers tracks, what ? C'était quoi ce morceau d'avant ? On peut avoir quelques infos. Donc le morceau d'avant, c'est Silence, ça vient tout droit du Nord, Boulogne-sur-Mer, bang bang. on est, c'est le père d'un pote, c'est le père d'un pote à nous qui a fait ça quand il était jeune, et on y est tombé sur un petit disque dormant qu'on a récupéré, et on espère faire de grandes choses avec ça. Ah, trop cool, un pur 45 tours, bien deep. C'était une belle sélection, Boum Bomo. On peut réapplaudir la Walou. Merci Vincent, merci pour l'invitation, pour l'accueil, trop cool. Ça valait le coup d'attendre un petit peu. Je reçois des messages. Et oui, incroyable ce dernier morceau, me dit Jocelyn, et qui est le fils du tourisme. On te fait un bisou, Jocelyn. Bisous, mon Joss. Arrête de m'envoyer des messages parce que j'ai sous les yeux sur mon téléphone mes notes pour annoncer la suite. Donc, je ne peux pas gérer les messages et en même temps lire les notes. Quand est-ce qu'on vous retrouve, la Walou? Il y a des petites dates. On en parlait tout à l'heure si en introduction. Si Joss vient valider la date un jour, 17 mars, oh, pour la prochaine caresse. Sinon, 24 mars au Zazou. Et en avril, le 22, avec Jean-Claude Quincovitch d'ailleurs, au Zazou, et au 22, Bras de Fer. 22 avril. 22 avril, ouais. Merci, voilà. On fait des bisous à tous ces copains-là. On fait des bisous à Donov aussi, qui est venu récemment aux deux dernières soirées Boum Bomo, l'une pour mixer, l'autre juste pour faire la teuf. Donov, un pote, très grand pote de Lille. Gros digger, gros DJ, très technique, on adore. Trop cool. En attendant, peut-être la résidence, la Walou, bientôt, dans un bar de Nantes ou du coin, ce serait chouette. Peut-être. Un appel à tous. Vous nous faites saluer avec vos petites soirées, la Walou. Allez, changement d'ambiance, il est 22h06 sur Prune. Vous êtes encore à l'écoute de Boum Bomo. On attaque la deuxième heure avec un mix qu'on nous a envoyé. Un mix qui vient tout droit de Saint-Brieuc, puisque c'est le patron, Maître Selecto, qui va prendre les commandes. Maître Selecto, si vous êtes sur les réseaux, si vous êtes sur Instagram notamment, vous le connaissez forcément. Touche à tout hyper actif, Maître Selecto par-ci, Maître Selecto par-là, illustrateur, DJ, organisateur de teuf. Mais quand est-ce que tu dors, Maître Selecto? J'ai l'impression de faire un mix par an, lui il en fait deux par jour. Amateur de musique, amateur sur cassette ou sur vinyle, fin connaisseur des musiques traditionnelles d'Afrique du Nord. Il est chaud bouillant des cassettes rail notamment. J'en parlais avec lui il y a quelques semaines quand j'ai eu le plaisir de le croiser à Saint-Brieuc. Chaud bouillant aussi des musiques traditionnelles des pays de France. Il a justement préparé Maître Selecto pour cette deuxième heure de Boum Bomo, une sélection d'une heure autour des musiques de lutte, c'est comme ça que j'ai résumé, plus ou moins de Bretagne et d'ailleurs. Donc ça va être un peu moins la teuf, mais la sélection est bien vénère. On va parler notamment des paysans de Bretagne et d'un petit peu plus loin. Franchement, on est trop contents à chaque fois parce que l'idée de cette émission Boum Bomo, c'est de passer des musiques françaises curieuses et chacun arrive avec ses influences, sa curiosité. Votre set était super cool et là, on bascule sur une vibe vraiment tout autre. Maître Selecto dans Boum Bomo. Je ne sais pas si on reprendra l'antenne après, Jonas, donc on peut se dire au revoir dès maintenant. Et on se dit au revoir maintenant, ouais. Et en ce qui me concerne, ben rendez-vous vendredi prochain. Et je fais ma promo, il n'y a pas de raison, quand même. Comme Yves Simon qui reprend ses morceaux, moi je fais ma promo aussi. Il n'y a pas de raison. Rendez-vous vendredi à Safe Place pour un hall apéro long, 19h minuit à peu près. Et donc, on vous laisse avec cette sélection incroyable de Maître Selecto, chant de lutte de Bretagne et d'ailleurs. Bisous, rendez-vous le mois prochain, bonne écoute. Merci la Boum Bomo. Et merci la Walou. Terre dure de dunes et de pluie, c'est ici que je loge. Cherchez, vous ne me trouverez pas. C'est ici que le lézard réinvente les menhirs. C'est ici que je m'invente. J'ai l'âge des légendes. J'ai 2000 ans. Vous ne pouvez pas me connaître. Je demeure dans la voie des bardes. Ô rebelles, mes frères, dans les mares, les méduses assassinent les algues. On ne s'invente jamais qu'au fond des querelles. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Dans mes racines, je demeure. Allez dire à la ville qu'Aragnès et Kersidan, la mer, contestent la rive. Que les chardons accrochent la chair des enfants. Que le roc bleu des marées défonce le front des brandes. Allez dire à la ville que c'est ici que je perdus, roulé aux temps anciens des misaines et des haubans. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Poète et forban en même masure, les chaumes sont pleins de trésors et de rats. On ne reçoit ici que ceux qui sont en règle avec leur âme, sans l'être avec la loi. Les amis des grands vents et les oiseaux perdus. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Terre dure de dunes et de pluies, pierre levée sur l'épiphanie des maïs, chemin tordu comme des croix. Cornouailles. Tous les chemins vont à la mer, entre les songes des tamaris, les paradis gisent au large. Aven, Eden, ria des passereaux. On met le cap sur la lampe des auberges. Les soirs sont bleus sur les ardoises de Kerdruk. Ô pays du sel et du lait. Allez dire à la ville que c'en est fini, je ne reviendrai pas. Le verbe s'est fait voile et varech, bruyère et chapelle, rivage des Gaëls, en toi je demeure. Allez dire à la ville que je ne reviendrai pas. Mes seules armes seront les fusils poétiques et les mots lacrymogènes. L'aurore a trop d'importance pour moi, et mille fois je meurs dans les bras de l'octroi. Mais vivre, vivre sans alibi, vous donne un air circonspect. Déjà je m'enfuis dans les éraflures de la nuit, pour n'être définitivement qu'un suspect. Je quête du soir au matin, la pluie, la nuit, un regard. Je quête du soir au matin, les dévorés d'errance, toujours entre deux soleils, et quels nuages les traversent. Toujours entre deux amours, et quelle passion les bouscule. Mais n'aurai-je que quelques mots pour entrer par effraction dans le rêve de l'espoir? Mais n'auras-tu que quelques gestes pour briser l'injustice qui t'assaille? Mais n'auras-tu qu'un seul regard pour voir ce que tu possèdes? Mais quel dilemme entre l'acquis et l'autre espoir? Sauras-tu chaque jour en faire la différence? Et quel pari feras-tu? Les villes frigides ont déversé leur fiel sur les îles de Sein, d'Ouessant et de Molène. Les villes frigides ont construit des centrales cinéraires sur des côtes tourmentées, maintenant hallucinées. J'ai froid, je sens que tout s'est brisé, que le monde tout à coup a basculé. Les villes frigides, avec des mots programmés, ont dicté leur loi à un peuple ivre d'amertume. Les villes frigides, avec des mots aseptisés, ont désamorcé les villes incandescentes. Si le serveur garde son sourire est truqué. Il pleut ce soir sur la Bretagne, les bateaux dansent sur l'océan. Donne-moi le bras, ma compagne. Il va falloir quitter cette engeance. mais nous bâtirons, nous deux mutants, avec les pas de nos errances, un logis à l'autre bord du temps. Nous bâtirons notre complicité avec des silences de connivence au revers des mille cités. Je quête du soir au matin, la pluie, la nuit, un regard, Dieu. La mer se tord des rouges, les soirs de vive chaleur, mais son cœur ne bat plus qu'au rythme du malheur. Alors vint la frontière, ont disparu l'Espagne, la braise du soleil, le corps de la compagne, les flammes du regard du tout petit enfant, et cette fin de toujours qu'ignore ceux qu'ont l'argent, et les coups et le sang, la prison qui attend, le cri de qui n'a rien, la se mettre sous la dent. Il existe en Espagne un pays de cocagne pour ceux dont la prière se chante au garde à vous. Souvent à l'oreille on lui a seriné que la vie est possible par-delà les montagnes, que le travail se donne à qui veut buriner. Pour le mois qu'à Madrid un fonctionnaire gagne, et même sans papier les patrons vous emploient, qui veulent qu'en France leur profit soit la loi. Dans des camions puants, la main-d'œuvre pas chère, de Pays Basque en Pays Basque, on transfère. Le voilà l'étranger, l'homme au visage bis, qui gagne sa misère à remuer la boue. Les cols blancs et poussifs le sent avec mépris, suer creuser les routes et soigner leurs égouts, dont l'odeur les poursuit jusque dans son abri, de tôle son rêve qui meurt loin du pays. Sur la Costa Brava, ils s'en vont gaspiller les deniers du travail de l'Espagnol pillé. Lourdes paupières et rides au front, mon cher amour, ce sera pas de la faute à Voltaire, non, non, non. Si j'ai un soir corps en arceaux, jambes de plomb, mon cher espoir, ce sera pas de la faute à Rousseau, non, non, non. aussi longtemps, longtemps qu'il y aura sur la terre quelque part un pays de misère et de cuivre où l'on tranche les mains de ceux dont la guitare promettait joie de vivre. Pour demain, je vieillirai, tu sais, je vieillirai très mal. Aussi longtemps, longtemps qu'il y aura sur la terre quelque part un pays de colère et de haine où l'on passe à tabac ceux dont la seule erreur fut de naître à Harlem ou Djerba. Je vieillirai, tu sais, je vieillirai très mal. Aussi longtemps, longtemps qu'il y aura sur la terre quelque part un pays de désert et d'oubli où meurent des gamins qui ne surent jamais ce que c'est qu'un petit bout de pain. Je vieillirai, tu sais, je vieillirai très mal. Longtemps, longtemps qu'il y aura sur la terre quelque part un pays de poussière et de sueur où l'on traite en bétail ceux qui voudraient pouvoir cultiver cette fleur, le travail. Je vieillirai, tu sais, je vieillirai très mal. Un jour, lourdes paupières et rides au front, mon cher amour, ce sera pas de la faute à Voltaire, non, non, non. Si j'ai un soir, corps en arceau, jambes de plomb, mon cher espoir, ce sera pas de la faute à Rousseau, non, non, non. Café, un lieu social évident. Rendez-vous des communards, c'est de 36 et de 68 le café où tu y vas parce que tu es seul, seul. Rencontre de solitude, oublier le temps de devenir ivre. Loin que la solitude n'est l'inexistence. Vérifier le lendemain matin où rien n'a changé, rien. J'ai peur du soleil pour demain, demain. Le café et son jukebox et son flipper sexuel et son baby-foot partout zard et ses jeux de boules maladifs dialoguer vers un petit rouge à 30 centimes. l'histoire pétrifiée de la retraite, avant un instant même de naissance, naissance, et puis l'alcool collectivise les solitudes. L'heure avant ta solitude, c'est l'ascension des paillardes et des frères. Tu peux y avoir, mon gars. Je t'ai déjà vu quelque part. Les mains qui se serrent au nom de la non-existence, et pourtant, ces cafés, s'ils étaient à nous, ça serait chouette. Chouette! Ça serait des repas d'alcool non ivres mais désaltérants. La richesse des autres à boire, la soif sociale d'aider un groupe à comprendre, comprendre. 2 par 2, 15 par 15. Et non, des racines carrées d'individus retirés sur les mathématiques d'une vie irrationnelle sans trou à la serrure. Pauvre mec qui tient tête de verre comme le prisonnier tient ses barreaux très fort pour le soutien contre la nervosité éthylique de peur de renverser le breuvage pourri. L'alcool habille le groupe d'individus d'un uniforme d'ivrogne. Les mêmes sentiments, les mêmes maux de tête, le même soleil cancéreux du lendemain. Et pourtant, on se connaît, paraît-il. Alors, le métro collectif pour des gens individualistes, l'attentat de ces jeunes qui s'embrassent contre ces vieillards de 40 ans pleins de désirs sexuels se masturbant sur un journal empoisonné, jetant par là et contre eux un regard mauvais, un regard qui ne se jette plus parce que ça fait trop mal. Agressivité comprimée d'usine à la maison en passant par la Lorraine, transport collectif, prix collectif de la mort quotidienne. Ici, il n'y a pas de passeur pour aller en enfer. Chacun sert l'autre, chacun tient sa faux pour l'autre. Salle de cinéma collective, salle comble. Il n'existe pourtant que le héros et toi. L'OS, le breton exilé, deviendrait Roméo. Le temps d'oublier qu'il a bouffé 8 heures durant la poussière de la dernière Citroën. Fais-toi écraser en sortant du cinéma et tu mourras heureux. Seulement, il y a aussi la salamandre, Sacco e Vanzetti, état de siège et monsieur Marcel Dassault fini. Les beaux jours de France, Sacco e Vanzetti tiennent mieux dans la peau d'un OS de Billancourt, d'un breton exilé qu'un héros de Love Story. Alors, il y aura des CRS à la sortie du cinéma comme il s'en plante un devant ton lit quand tu fabriques l'amour, en oubliant de le faire. Pour ton sexe remonte pente le temps d'un tour de réveil, alors. Tu sors dans les rues et les flèches de la richesse qui te percent entre une vitrine et l'entrée d'un bel immeuble bourgeois putain qui prostitue notre travail. Société capitaliste qui rampe à quatre pattes d'un scandale à l'autre, d'un incendie des volontés à l'autre. Un jour on vous écrasera, vous les sociétaires portent fric. Les hôpitaux sont remplis, les cimetières, les usines. Mais ça finira, c'est pas vrai que nous sommes en temps de paix, c'est pas vrai. Assis en plein soleil, l'apparition du roi des imbéciles, celui qui le dimanche dans les arènes remplit la caisse. Quand se vide la ville, on est venu des plus sombres quartiers voir le combat entre l'homme et la bête. Sans trop savoir de quel côté l'on est, le principal c'est qu'on fasse la fête. Tous ces tordus ont les yeux qui scintillent et se reflètent sur le costume d'or du torero, un enfant de Castille qui ne sait pas encore que son rival, un taureau fainéant, n'a pas fini sa digestion et qu'il proteste vigoureusement qu'il se fout de la tradition. Et la bébête veut pas se réveiller. Aujourd'hui c'est fête, il faut en profiter. Qu'ils aillent se pendre s'ils veulent goûter la mort. Qu'ils aille se pendre. Je dors encore. On a traîné l'animal endormi au beau milieu de la piste de sable et le public qui poussait les cris à réveiller le taureau immuable qui s'est levé mais pas content du tout, grattant le sol, faisant trembler la reine, jugeant que ça ne valait pas le coup qu'il se dérange pour ses énergumènes. Les demeurés qui avaient payé fort cher voyaient enfin s'annoncer le combat. On allait voir se déchirer la chair, couler le sang, un spectacle de choix. Mais l'animal ayant vite repéré un coin à l'ombre s'empressa d'y courir et sous les yeux d'une foule dépitée s'est allongé, s'est remis à dormir. Et la bébête ne veut pas se réveiller. Aujourd'hui c'est fête, il faut en profiter. Qu'ils aillent se pendre s'ils veulent goûter la mort. Qu'ils aillent se pendre. Je dors encore. Mais où sont donc les boucheries joyeuses qui apaisaient nos mœurs vraiment débiles? Qu'on nous rembourse la reine coléreuse, laisse éclater un sanglot unanime. Le torero qui commence à pâlir déploie en vain des quantités d'efforts pour empêcher l'animal de dormir. Une heure après, le taureau de rancœur, les fous hurlants qu'on les prive de joie s'envolent dans une crise d'hystérie. Ils crient, ils pleurent, ils hennissent, ils aboient la catastrophe qui s'abat sur leur vie. À coups de pied, ils démontent la reine. En 20 minutes, le travail est fini et jurent que la semaine prochaine, ils passeront tout leur dimanche au lit. Et la bébête ne veut pas se réveiller. Aujourd'hui c'est fête, il faut en profiter. Qu'ils aillent se pendre s'ils veulent goûter la mort. Qu'ils aillent se pendre. Je dors encore. Chez les Japonais, melon d'eau carré, c'est ça le progrès. Lisez les journaux, c'est de plus en plus beau, tellement rigolo. Le progrès c'est beau. Bousin de bousin, si c'est ça le progrès, comme dit mon voisin, y'a que l'idée qu'on s'en fait. On braque pêle-mêle, des meurtres à l'appel, des assassinats et des attentats. Qui sont les gentils, où sont les méchants, qui est-ce qui comprend? Ben quoi c'est la vie? Cousin de cousin, si c'est ça le progrès, comme dit mon voisin, y'a qu'il l'idée qu'on s'en fait. Et les inventions, récupération, toutes les idées chouettes qui trottent dans vos têtes. nationaux pour vous reposer, vous faire oublier. Aliénés du boulot, cousin de cousin, si c'est ça le progrès, comme dit mon voisin, y'a que l'idée qu'on s'en fait. Des gosses à tout prix, même en éprouvette, la vie est si chouette, les hommes si gentils. Quant à l'avenir, pas de soucis à se faire, les hommes en venir. Tout va bien sur terre, cousin de cousin, si c'est ça le progrès, comme dit mon voisin, y'a que l'idée qu'on s'en fait. C'est sacré bon Dieu de progrès, c'est sacré bon Dieu. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan breton, ignorant-la, ignorant-les notre la la la la. Il est encore pire, le sort du paysan breton, ignorant-la, ignorant-les notre la la la la la. Il est encore pire, les cumulards de la ville nous volent nos terres. Les cumulards de la ville nous volent nos terres. Il nous faut nous en aller, ignorant-la, ignorant-les notre la. Dans les banlieues des villes, il nous faut nous en aller, dignant-la, dignant-les nocales, la la la la, dans les banlieues des villes. Peu d'embauches aux joints français au salaire de famine, peu d'embauches aux joints français au salaire de famine. Quand on réclame, on se fait virer, dignant-la, dignant-les nocales, la la la la, à la porte de l'usine. Quand on réclame, on se fait virer, dignant-la, dignant-les nocales, la la la la, à la porte de l'usine. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier breton, ignorant-la, ignorant-les notre la la la la la. Il est encore pire, le sort de l'ouvrier breton, ignorant-la, ignorant-les notre la la la la la. Il est encore pire, on n'a plus qu'à s'engager dans l'armée française. On n'a plus qu'à s'engager dans l'armée française. Pour aller tuer au Tchad ou en Martinique. Pour aller tuer au Tchad ou en Martinique. Nos frères colonisés, dignant-la, dignant-les notre la la la la. Dieu se libère. Nos frères colonisés, dignant-la, dignant-les notre la la la la. Dieu se libère. Le sort du sol français, il n'est guère enviable. Le sort du sol français, il n'est guère enviable. La mort d'un breton au Tchad, dignant-la, dignant-les notre la la la la. Elle est encore pire. La mort d'un breton au Tchad, dignant-la, dignant-les notre la la la la la. Elle est encore pire. Mais les bretons ont compris, enfin se révolte. Mais les bretons ont compris, enfin se révolte. Qui Delplay mais Saint-Brieuc marque une autre époque. Delplay mais Saint-Brieuc marque une autre époque. Le pouvoir des travailleurs, dignant-la, dignant-les notre la la la la la, qui nous rendra libres. Le pouvoir des travailleurs, dignant-la, dignant-les notre la la la la la, qui nous rendra libres. Le sort des bourgeois français ne sera guère enviable. Le sort des bourgeois français ne sera guère enviable. Le sort des bourgeois bretons, dignant-la, dignant-les notre la la la la, il sera encore pire. Le sort des bourgeois bretons, dignant-la, dignant-les notre la la la la, il sera encore pire. La la la la la la la la la la la la la. je trouve une aire pour mener traire mes vaches, puisque les militaires ont piqué toute la place. Les soldats sont chez nous, tout puissants sur nos terres, mais gare à la colère du feu des cutéreux, du feu des cutéreux. Faut que je trouve un bré pour mener mes moutons, puisqu'ils ont déposé leur jeep et leur camion. Les soldats sont chez nous, tout puissants sur nos terres, mais gare à la colère du feu des cutéreux, du feu des cutéreux. Je trouve une grange pour loger mes petits. Vaudrait mieux qu'on s'arrange à deux ou trois familles. Les soldats sont chez nous, tout puissants sur nos terres, mais gare à la colère du feu des cutéreux, du feu des cutéreux. On s'est plaint, ils ont ri dès les premiers moments. Ils ont troussé nos filles. Voilà que maintenant, ils détroussent nos filles. Qu'éclate la colline, qu'explose leur canon. L'artifice de mine, d'obus et de camions. Les soldats sont chez nous, tout puissants sur nos terres, mais voilà la colère du feu des cutéreux, mais voilà la colère du feu des cutéreux. oiseaux. Comme j'ai trépassé mes bonnes vies. Albatros banné, chantez le libéra. Et comme c'est triste un albatros qui meurt, enfer froid. Feu de mer, feu de terre, terre de feu, feu de mer, feu de

Hiroshima, le 6 août 1945. Je regardais heureuse la mer ensoleillée, la ville encore brumeuse, à peine réveillée, les arbres déjà fleuris me parlaient de ma vie, tout ça était amer, car il y a éclata, la ville s'écroula, soufflée en un instant, et ce fut nos bras.